manges trop, tu bois trop, tu fumes trop, tu te chauffes trop, tu te soignes trop, tu roules trop. Si les prix grimpent trop, si le franc baisse un peu trop, on nous le colle aussitôt sur le dos. Mais trop c'est trop, on vient nous dire pense aux voisins, tu vis au-dessus de tes moyens. Un petit impôt pour les victimes de la sécheresse, une petite vignette pour les vieillards dans la détresse, un petit billet pour la recherche médicale, un petit ticket pour la sécurité sociale, une petite taxe, une petite cerisette, encore un effort et quelques milliards à trouver, pour sauver Beaubourg, le trou des Halles et la Villette, et tu verras comme tu seras fier d'être français. J'ai mis de l'eau dans mon vin, sur les routes de l'Hérault, les vignerons le renversent par hecto. Et quand le beurre manquait, je n'ai pas oublié ceux qui faisaient le leur sur notre dos. Mais trop c'est trop, je veux bien qu'on dise pense aux voisins, mais qu'on le dise aussi aux voisins. Un petit impôt pour les victimes de la sécheresse, une petite vignette pour les vieillards dans la détresse, un petit billet pour la recherche médicale, un petit ticket pour la sécurité sociale, une petite taxe, une petite cerisette, encore un effort et quelques milliards à trouver, pour sauver Beaubourg, le trou des Halles et la Villette, et tu verras comme tu seras fier d'être français. Une petite rallonge pour la bombinette atomique qu'il faut fabriquer pour montrer qu'on est pacifique. Un bon mouvement pour le Concorde et je parie qu'il finira comme la France et le Brunneri. Un petit cadeau pour aider tous les pays frères à nous dire merci comme l'Algérie et tant qu'à faire. Puisqu'on est tous solidaires, pas vrai, je dis qu'il faut. Encore un impôt pour les victimes de l'impôt. Du petit impôt pour les victimes de la sécheresse. De la petite vignette pour les vieillards dans la détresse. Du petit billet pour la recherche médicale. Du petit ticket pour la sécurité sociale. De la petite taxe, de la petite cerisette. Du petit effort des quelques milliards à trouver. Pour sauver Beaubourg, le trou des Halles et la Villette. Et tu verras comme tu seras fier d'être français.